La politique peut se transformer en armement. Elle peut aussi se finir en bombardement. Pourquoi la guerre partout dans ce monde? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? La jeunesse a des valeurs complètement brouillées. Ils peuvent te prendre la vie avant d'aller prier. Aux USA, les armes sont encore enjouées. Là-bas, le Père Noël s'appelle Trump Poulet. Au Moyen-Orient, la plus bien des bombardiers. Mais l'ONU se prend pour Gilbert Montagné. En Libye, aujourd'hui, pour ta couleur de peau, tu peux te retrouver sur banque privée. Pour la drogue, ça fait ram pam pam pam. Et toujours les larmes de Daron sur le macadam dame. En Afrique, pour le pouvoir, ça fait ram pam pam pam. Et toujours les mêmes innocents sur le macadam dame. Mais quand il s'agit d'éducation, de malnutrition ou de familles diverses, sous les ponts, y'a pas de ram pam pam pam. Politica, stop les rampam-pam-pam. Y'a le cœur de nos enfants qui tape comme un tam-tam. Politica, politica, stop les rampam-pam-pam. C'est toujours les mêmes innocents sur le macadam. Dama, politica, politica, stop les rampam-pam-pam. Y'a le cœur de nos enfants qui tape comme un tam-tam. Où va le monde, dis-moi, où va l'humanité? L'histoire se répète comme un disque rayé. Mais font-ils vraiment